original qui voulait pour ses vacances tenter l'expérience. Oh, il n'avait jamais dormi autre part que dans son lit. Il ne pouvait pas deviner que les ennuis allaient commencer. Voici en un mot son histoire. Tout a commencé un soir. On entendait les cigales, tout paraissait normal. À peine s'était-il couché que l'attente s'est écroulée. Et comme si ce n'était pas assez, la pluie s'est mise à tomber. Oh, oh, oh, c'est vraiment trop, hé, hé, hé, c'est pourtant vrai, je n'en ai pas rajouté. Ah, ah, ah, je ne vous mens pas, ouh, ouh, ouh, je ne suis pas fou, hé, ce n'est pas terminé. Le même soir, il avait sorti son vieux réchaud rouge et gris. Quand il voulut l'allumer, il a explosé. Il s'est retrouvé assis dans les fleurs, les pissenlits. Qu'il dut manger pour le dîner, le festin était assuré. Oh, oh, oh, c'est vraiment trop, hé, hé, hé, c'est pourtant vrai, je n'en ai pas ajouté. Ah, ah, ah, je ne vous mens pas, je ne suis pas fou, ce n'est pas terminé. Le lendemain, pour s'habiller, ses affaires étaient trempées, car il les avait laissées dehors sur un piquet. Quand il voulut se laver, déjà l'eau était glacée. Et quand il fut bien savonné, la douche s'est arrêtée. Oh, oh, oh, c'est vraiment trop, hé, hé, hé, c'est pourtant vrai, je n'en ai pas rajouté. Ah, ah, ah, je ne vous mens pas, ouh, ouh, ouh, je suis bafoué, ce n'est pas terminé. Il a craqué avant midi, à l'hôtel il est parti, passer le reste de ses nuits au chaud dans un vrai lit. Mais il ne faut pas se moquer, ça aurait pu nous arriver. Pour tout ce qu'on fait pour la première fois, on est toujours un peu maladroit. Oh, oh, oh, c'est vraiment trop, hé, hé, hé, c'est pourtant vrai, je n'en ai pas rajouté. Ah, ah, ah, je ne vous mens pas, ouh, ouh, ouh, je ne suis pas fou, hé, ce n'est pas terminé. Oh, oh, oh, c'est vraiment trop, hé, hé, hé, c'est pourtant vrai, je n'en ai pas rajouté. Ah, ah, ah, je ne vous mens pas, ouh, ouh, ouh, je ne suis pas fou, hé, cette fois c'est terminé.